Un cadeau de Noël, c'est vrai, c'était recherché. À coup d'hydrocarbures, la Bretagne s'est fait lifter. Mais quand on lui souligne au crayon noir ses jolis yeux, pense pas que ce soit vraiment la couleur qu'elle aime le mieux. Ça n'a pas vraiment l'air d'inquiéter outre mesure. Peut-être que la mer digère bien les hydrocarbures. Ça n'a pas non plus l'air d'inquiéter les pétroliers. Peut-être que la mer un jour, elle va crever. Tout le monde avait juré, plus jamais ça n'arrivera. L'exception qui confirme aujourd'hui, c'est l'Erika. Mais qu'est-ce qu'on va encore pouvoir le raconter à ces milliers d'oiseaux qui ont vu leurs frères crever? À ces milliers d'oiseaux qui ont vu leurs frères crever. Les prochaines brochures du syndicat d'initiative, faudra combien d'années pour que les couleurs reviennent? Faudra encore mentir, venez chez nous, la mer est belle. Mais faudrait peut-être qu'on arrête de la prendre pour une poubelle. Tout le monde avait juré, plus jamais ça n'arrivera. L'exception qui confirme aujourd'hui, c'est l'Erika. Mais qu'est-ce qu'on va encore pouvoir le raconter à ces milliers de Bretons qui ont vu leur terre crever? À ces milliers de Bretons qui ont vu leur terre crever. Espérons que jamais ça n'arrivera chez toi.